إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc le sujet de notre jour, c'est sur les méfaits de la langue. Afatul lisan. Tiré du livre, donc il s'intitule Minhaj, ou bien Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, du Mu'allif, rahmatullah, Ibn Qudama al-Maqdisi, rahmatullah alayhi. Donc, وآفته كثيرة متنوعة ولها في القلب حلاوة. Donc ces méfaits sont nombreuses et diverses. Elles ont un délice dans le cœur. Donc vous voyez, elles sont appelées délices du cœur et pourtant ce sont des méfaits de la langue. Donc, celui qui s'y habitue, il prend goût. ولها بواعث من الطبع. Et elles ont aussi donc des origines qui sont naturelles. Non, c'est parce que c'est en nous. C'est quelque chose qui est en nous. Et là, à ce moment-là, il est demandé de faire des efforts justement afin de, d'éviter cela. Voilà le najat min khatariha illa bis-samt. Il n'y aura pas, il n'y aura aucune solution pour que l'on évite cela, pour que l'on puisse s'écarter de cela, que par le fait de se taire. Donc on a le résultat en vérité. Le résultat est là. Afin de ne pas tomber dans les méfaits de la langue, c'est tout simplement de se taire. C'est la seule solution. Donc on va citer, on va mentionner premièrement les bienfaits du fait de se taire. Et puis après on parlera bien sûr des méfaits de façon spécifique ou de façon détaillée, inshallah azza wa jal. يعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر. Sache que le fait de se taire, الصمت, va donc justement rassembler الهمة, c'est-à-dire la volonté qui est forte, ainsi qu'il va vider, donc il va justement, il va vider tout ce qui est mauvaise pensée, le fikr. Là, c'est plus par rapport, bien sûr, à ce qui est mauvaise pensée. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. La foi du croyant ne sera pas rectiligne, ne sera pas droite jusqu'à ce que son cœur soit droit. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. Et son cœur ne sera pas droit et rectiligne jusqu'à ce que sa langue soit droite. Donc là on voit que dans ce hadith, il est composé donc de trois étapes différentes où la personne n'aura pas la foi que si son cœur est droit. Elle n'aura pas aussi le cœur droit que si sa langue est droite. Donc tout va revenir justement à la parole. Tout va revenir à ce qu'on dit, c'est-à-dire tout ce que va sortir de nous-mêmes. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et Ibn Abi Dunya, mais simplement ici, donc c'est un hadith qui est daif. Mais simplement le ma'na il est véridique. Le hadith reste ici, donc il n'est pas vrai. Donc il est, je veux dire, il est daif, il est faible. Mais simplement, son sens reste vrai. Et ici il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentique là, car il est rapporté par Al-Bukhari. Mais, man yadmanu li ma bayna lahyatihi wa ma bayna rijlayhi admanu lahu al-jannah. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'assure ce qu'il y a entre sa langue et entre ses pieds, Donc, c'est-à-dire, on sait qu'on parle de la langue et du sexe, akratman comme là. Je lui assure le paradis. Donc, le prophète sallam se porte garant que tu entreras au paradis si tu retiens ta langue. Si tu vas retenir ta langue. Et dans un autre hadith, Mu'adh donc dit Kuffa alayk hada. Où le prophète sallam aurait dit à Mu'adh, donc en sortant sa langue, il lui dit retiens celle-ci. Retiens celle-ci. Kuffa alayk hada. Retiens celle-ci. Qultu ya Rasulallah. إنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلى حصائد ألسنتهم والحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله عليهم جميعا. Donc il dit معاذ, où envoyé d'Allah, est-ce qu'on va être jugé sur ce qu'on dit? Il lui dit, donc ta mère, c'est une façon de parler chez les Arabes pour dire que tu étais lourd dans le ventre de ta mère, Mu'ad. N'est-ce pas que les gens vont être jetés en enfer que par le visage, que par leur mauvaise langue, que par leur mauvaise langue? Non, c'est-à-dire que la majorité des gens qui entrent en enfer, c'est justement c'est le premier sebeb. Le premier sebeb qui fait entrer les gens en enfer, c'est la langue. C'est un des plus gros sebeb où les gens vont justement donc entrer en enfer parce qu'ils parlent beaucoup. Et lorsqu'on parle beaucoup, comme le disent les Arabes, celui qui parle beaucoup commet beaucoup d'erreurs. Celui qui parle beaucoup va commettre beaucoup d'erreurs. Et aussi dans un autre hadith, et là aussi donc il est le daif, mais on va quand même le citer, du fait que c'est par rapport à des paroles qui vont être véridiques, même si c'est un hadith daif. من كفى لسانه ستر الله عورته. Et on a des autres hadiths qui viennent comporter ce genre de hadith. Donc il dit donc, celui qui retient sa langue, Allah, il cache donc ce qu'il fait, ça n'est en secret. Auratahu, c'est-à-dire, Allah ne va pas te montrer, ne va pas te divulguer en public. Ibn Mas'ud dit, rahmallah, wa radiallahu anhu, ma shayun ahwaja ila tul al-sijn min lisani. Donc il parle pour lui, Ibn Mas'ud radiallahu anhu. C'est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, la chose qui a le plus besoin de rester en prison, c'est ma langue. Donc il voudrait que sa langue reste en prison, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas. Donc il n'y a pas de parole. Il voudrait réussir à se taire. Et de toute façon, c'est la vérité. C'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peu de paroles, beaucoup de moments où il se tait. Énormément de comportements, mais sans parole. Il y a plus de comportements que de paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Darda cite radiallahu anhu, Ansif uzunayka min fik fa innama ju'ilat laka uzunan wa fam wahid li tastami'a aktha mimma tatakallam bih. Donc il dit Abu Darda radiallahu anhu, donc compare tes oreilles ou ton ouïe, compare tes oreilles avec ta bouche, car tu as deux oreilles et donc une seule bouche, c'est-à-dire une seule langue, afin que tu écoutes plus que tu parles, afin que tu écoutes plus que tu parles, comme le dit radiallahu anhu. Et Makhlaz ibn al-Hussein radiallahu anhu dit ma takallamtu mundu 50 sana bi kalima uridu an a'tadira minha. Donc à chaque fois que j'ai parlé depuis 50 ans, de chaque parole que j'ai prononcée depuis 50 ans, donc je désire et j'espère que je suis excusé sur cette parole. Il espère à quoi? Avoir donc une excuse par rapport à ce qu'il a dit. C'est-à-dire, s'il aurait pu se taire, il serait tu. S'il aurait pu se taire, il serait tu. Donc on voit donc là les vertus et les valeurs du fait de se taire. Et maintenant on va parler des méfaits de la langue. Afatul lisan. Le premier méfait, l'afa al-oula, c'est al-kalam fima la ya'ni, la parole donc qui n'est pas nécessaire, ou de parler de ceux qui ne te regardent pas. Fa'lam anna man 'arafa qadra zamanihi wa annahu ras malihi lam yunfiqhu illa fi fa'ida. Sache que celui qui connaît donc la valeur du moment où il vit, de cette période, et qu'il sait que ça c'est l'origine, donc quand on dit de son argent, c'est-à-dire de ses biens, c'est l'origine de ses biens dans le sens où le fait qu'il connaît, il se connaît, il connaît qui vit autour de lui, il fait attention à ce qu'il va dire. Et ça, donc, c'est une richesse. C'est ça sa richesse, c'est l'origine de sa richesse. Il ne va dépenser sa richesse que là où il y aura des bénéfices. Hein? Donc il va dépenser, donc, il va considérer ses paroles comme si c'était de l'argent, comme si c'était des bienfaits qu'il a lorsqu'il va acheter. Donc il va faire attention afin d'acheter ce qui est bon pour lui. C'est-à-dire qu'il va faire attention pour parler que de ce qui va être profitable pour lui et pour les autres. وهذه المعرفة توجب حسب اللسان عن الكلام فيما لا يعنيه. Et cette connaissance va amener obligatoirement au fait de retenir sa langue sur ce qui n'est pas nécessaire, sur ce qui ne te regarde pas. Cela ne te regarde pas. لأنه من ترك ذكر الله عز وجل واشتغل فيما لا يعنيه كان كمن قدر على أخذ جوهرة. Car celui qui délaisse le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'occupe et passe son temps sur les choses qui ne le regardent pas, c'est comme s'il prenait donc des flammes. Donc c'est comme s'il prenait des flammes. Voilà. Et on voit bien ici que Shir cite le fait de délaisser le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Ubay ibn Ka'b radhiallahu anhu dit, par rapport au rappel, il dit Zikrullah dawa. Le rappel d'Allah est une guérison, et parler des gens, le rappel des gens, c'est-à-dire même si tu le vantes, mais tu passes ta vie à vanter les gens, à dire tel chéri il est bien, tel chéri il est bien, tel chéri il est bien, mais toi à côté, t'apprends pas. C'est pas ça la religion. Toi, ce que tu prends, le chir ou les gens de science face à toi, de quoi tu prends lui? Tu prends de lui son comportement et tu prends de lui sa science. Ça, donc. À ce moment-là, donc, si tu as pris, donc, tu as reçu du comportement, tu as reçu de la science. Donc c'est pour que tu œuvres. Mais ce n'est pas juste pour s'arrêter à des histoires. Mashallah, il est bien, mashallah, il est bien, mashallah, il est bien. Et à côté, toi, tu ne profites pas de cela. Donc c'est ça la zikrunnes. Donc que ce soit dans le fait de parler en mal ou en bien, c'est adda. Ce n'est pas parce que tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Donc c'est adda, c'est quoi? C'est une maladie. Et si tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il t'est énormément demandé de te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, matin et soir, abondamment, ça c'est quoi? C'est une guérison. C'est un dawa, c'est le remède. Donc, il va automatiquement, le temps, si tu ne t'occupes pas de te rappeler d'Allah ce matin, donc tu vas le donner ton temps à autre chose. Tu vas passer ton temps à autre chose. Donc, tu vas t'occuper de ce qui ne te regarde pas. C'est comme si donc, tu avais pris cette flamme. Dans un hadith sahih, qui est rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Parmi le bon islam de la personne, c'est de délaisser ce qui ne lui regarde pas. Et ça rentre bien sûr dans tout. Ça rentre même dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça commence par entrer dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rentre dans le comment Allah est descendu au premier ciel, il a khéli. Ça commence par ces choses-là. Ça commence après par énormément de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il avait Anas auprès de lui, près de 10 ans. Hein, Anas a bien dit qu'il a vécu, qu'il a travaillé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 ans. Et il n'a jamais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il faisait ça, pour lui dire pourquoi tu as fait ça. Ou si délaissé quelque chose, pourquoi tu as délaissé ceci. On ne parle pas des choses de la religion. On ne parle pas de maintenant il a délaissé le surfouk là. Ce n'est pas question de ça. C'est dans les choses de la vie d'ici-bas. C'est pas pourquoi tu as mis le verre ici. Pourquoi la table est placée comme ça. Pourquoi tu n'as pas fermé la porte. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son temps complet, c'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de temps pour autre chose. Il n'y a pas de temps. Son cœur n'est rempli que pour ça. Il n'est pas rempli pour d'autres choses. Et nous, facilement, on va glisser et on va s'occuper de n'importe quoi. Automatiquement, ça va être en quoi? Donc ça va être par perte, on aura une perte. De fait qu'on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit savoir qu'à chaque fois qu'on perd son temps dans quelque chose qui ne nous regarde pas, c'est quoi qu'on a perdu? C'est justement l'occasion de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit à Luqman al-Hakim, ma balagha min hikmatik qala la as'alu amma kufituhu wa la atakallam bima la ya'nini. Donc il dit Luqman al-Hakim, comment es-tu arrivé au niveau de sage. Comment es-tu devenu sage? Il a dit, je ne pose pas de questions sur ce qui ne me regarde pas. Et je ne parle pas de ce qui ne me regarde pas. Ni il pose des questions, ni il veut savoir, et ni il va donner. Donc ni il va prendre ce qui ne l'intéresse pas, et ni il va donner ce qui ne l'intéresse pas. Donc ni l'un ni l'autre. Donc ça veut dire que ce qui l'intéresse, c'est le faïda. Ce qui l'intéresse, c'est de recevoir le faïda. Et ce qui l'intéresse, c'est de donner aux gens le faïda. Parce que c'est justement, si il n'y a pas l'un, il y aura l'autre. Ça va le remplacer automatiquement. Et aussi, on rappelle, et on mentionne que Luqman, donc, est rentré chez Daoud, alors qu'il était en train de nettoyer son bouclier, donc son armure. Il était en train de nettoyer son armure. Et il a été étonné de cette armure. C'est une armure qui était belle. Donc, ta'ajjaba, il était étonné de ce qu'il a vu. Et il a voulu questionner sur cette armure. Mais sa sagesse l'a empêché de le questionner sur cette armure. Et lorsqu'il a terminé, Daoud a.s. donc s'est levé, s'est habillé de cette armure, et puis lui a dit, ni'ma, c'est un bienfait, l'armure pour la guerre. Donc c'est une ni'ma, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'armure pour la guerre. Et Luqman a dit, donc après il a dit, donc, parce qu'il a, il a compris, Daoud a.s. que Luqman, ta'ajjab, il a remarqué. Donc c'est un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, ils font attention, ils prêtent attention aux gens et à comment les gens sont face à eux. Parce que ça, c'était comme ça qu'ils étaient les compagnons des prophètes, hatta les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de voir si la personne en face de soi, elle est en besoin. À force de quoi? De voir si les gens en face de soi, s'ils sont pauvres, ils sont dans le besoin ou autre. Ils font attention. Tafaqqadoun, amra ghayrihim. Ils font attention, comme l'a dit Frère Hassan hier. Lorsqu'il a parlé, les gens ils regardent, ils font attention. Lorsque quelqu'un est dans le besoin, c'est pas nous de dire est-ce que tu as besoin. Comme il a dit, la personne va dire non. Et ils font attention et justement afin de pouvoir les aider. Toujours à chercher à faire le khair. Donc, alors que Luqman dit, samt, donc le fait de se taire, c'est donc hukmun yani wa qalilun fa'iluhu. Donc Luqman a dit, le samt, le fait de se taire, donc c'est une sagesse. Et rares sont les gens qui sont comme ça. Rares sont les gens qui sont comme ça. Deuxième méfait, c'est al-khawd fil batil. Donc le fait de discuter et de perdre son temps dans les choses qui sont vaines. Wa huwa al-kalam fil ma'asi. Donc à l'origine de cela, c'est la parole sur les péchés. Le fait de parler des péchés. J'ai frappé un tel, j'ai volé un tel, j'ai fait ceci, j'ai fait cela maintenant. Ka dhikri majalis al-khamar. Comme le fait de se rappeler des assises où tu as bu de l'alcool, مثلا. Ou ma qamat al-fusaq, ou de d'honorer et de donner des niveaux vis-à-vis des fusaq. Al-Capone, la mafia, les ceci, les cela, comme si c'était des gens bien. Respect, c'est comme si c'était ça. Alors que c'est pas son islam, c'est un fasiq. C'est des fusaq, c'est des kuffar. Donc ils ont aucun respect pour nous, même s'ils ont atteint les milliards, même s'ils ont fait le casse du siècle, même si c'était super intelligent, qu'ils ont traversé les égouts, ils ont fait ceci, ils ont fait des calculs. Nous on bloque sur ça. Des fois les gens les frères vont en parler comme si c'était là. C'est une ruse de shaitan. C'est pas quelque chose qui vient. Ils n'ont pas été aidés par les anges. Ça là là, il n'y a pas eu les anges qui les ont aidés. Donc il n'y a pas un khair dans ça. Ça n'est pas dans l'art subhanahu wa ta'ala. Le khair c'est plutôt dans les karamètes. C'est dans les prodiges des plus prédécesseurs, ou bien des personnes pieuses, ou plutôt aussi encore mieux donc les miracles des prophètes. Là à ce moment on en parle, on peut être content de cela. Mais pas de quoi, justement, de paroles qu'il ne faut pas parler. Donc ça rentre dans, justement, afat al-lisan et d'accepter. Parce qu'après, on va aimer ces gens dans notre cœur. Il a réussi à se sauver de prison, on l'a ramené à l'hélicoptère, c'est sûr. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas raconter. Ça, c'est pas de Chine. On n'a pas à rentrer dans ces histoires-là. Ce n'est pas de notre ressort. Le zahid qui est rapporté par al-Bukhari et Muslim, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Inna al-abda la yatakallam » لا يتكلم بالكلمة يازل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. Donc il dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, le serviteur parle d'une parole, donc qui va le faire descendre ou le faire glisser en enfer, d'une distance qui est encore plus loin, plus éloignée que l'éloignement de l'Occident et de l'Orient. De l'Orient et de l'Occident. Donc, pour dire que c'est vraiment loin, une parole, une seule parole. Donc à partir du moment qu'il y a une parole qui te fait glisser en enfer énormément, ça devrait justement nous faire réfléchir de savoir est-ce que cette parole qu'on va dire, c'est celle-là qui va nous faire glisser en enfer ou pas. Parce qu'on a justement ce genre de hadith du prophète Sam qui nous prévient. Une seule parole. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'une parole, ça ne veut pas dire un seul mot. Des fois, c'est une phrase, c'est un contexte. Une parole, ça ne veut pas dire automatiquement un seul mot. Ça peut être même un vers d'une heure. Ça peut être ça aussi, une parole. وقريب من ذلك الجدال والمراء وهو كثرة الملاحة. Et proche de cela, c'est le jidal. Donc les gens connaissent le jidal. Donc cette dispute, le fait de te disputer avec quelqu'un parce que tu vas avoir raison. Walmira, ça aussi, donc c'est pratiquement des synonymes. C'est quoi en vérité? C'est de discuter avec quelqu'un, mais il y a un but derrière. C'est que des fois, donc tu l'auras fait mal. Il y a un isa. Donc il y a cette dispute, et en vérité, donc des fois, tu es contre la personne qui est en face de toi. Sans raison. On n'est pas maintenant dans le haq. On parle de Dafil Batel. Afin de quoi? De montrer justement, hein, afin de vouloir avoir la suprématie, afin de vouloir avoir raison. Tu veux que ce soit toi qui aies raison, quoi qu'il en soit. Donc tu vas rentrer dans le djedel. Tu vas rentrer dans ce djedel et dans ce mira. Et normalement, le musulman, justement, doit détester un cela. فَيَنْبَغْ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُنْكِرَ الْمُنْكِرَ يَنِي مِنَ الْقَوْلِ وَيُبَيِّنْ الصَّوَابِ. Donc normalement, يُنْكِرَ الْمُنْكَرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيُبَيِّنْ الصَّوَابِ. C'est-à-dire que normalement, la personne, il lui est demandé de quoi? De réprimander, hein, donc justement, la mauvaise parole. Et afin de montrer la vérité, c'est ton but. Tu dis, voilà, ça c'est faux, mais ça c'est vrai. La vérité, elle est ici. فَإِنْ قُبِلَ مِنْهُ. S'il accepte, alhamdulillah, donc l'affaire est terminée. S'il accepte, l'affaire est terminée. Ne vais pas le dire à quelqu'un le lendemain. Hein, je lui fais un. C'est terminé. C'est un bon doigt. Parce que s'il accepte ce qu'il fait au bord, sache que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime énormément. C'est pour ça qu'il dit Wa huwa al-ghafur al-wadud. Wal-wud, c'est un niveau qui est plus haut que le hub, plus haut que l'amour. Et Allah est là, allié entre al-ghafur et al-wadud. Bima'na, celui qui fait tawba, Allah l'aime énormément. Vous savez très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, sera très content, très heureux de celui qui fait, hein, donc Allah de celui qui va faire tawba. Donc celui qui, ça veut bien dire qu'Allah l'aime énormément. C'est pour ça qu'on retrouve wa huwa al-ghafur al-wadud. Si on retrouve donc ces deux noms qui sont alliés, c'est pas pour dire qu'ils sont, c'est pour montrer qu'ils sont bien associés. Ils sont associés. Allah aime ceux qui font tawba. Donc il faut à ce moment-là se taire. Une fois que la personne a accepté, alhamdulillah, c'est du passé, c'est terminé. Donc à ce moment-là, tu auras parlé sur ton frère. Tu auras fait en vérité du riba, sans le savoir. Wa illa tark, hein, al-mumara. C'est-à-dire que ou bien tu laisses tomber la discute. Tu ne discutes pas. Il accepte, alhamdulillah, il n'accepte pas, tu délaisses. Donc, on a des paroles de l'imam Ahmed et de l'imam Malik vis-à-vis de cela. Hein, bayin sunna, wala tukhasma alayha. Ils ont la même parole, tous les deux. Donc, c'est-à-dire, bayin sunna, wala tukhasma alayha, montre la sunna, et ne te dispute pas pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle est noble, la sunna. Elle est pure, elle n'a pas besoin de dispute. En la disputant, c'est comme si tu lui montrais une mauvaise image de cette sunna. Tu lui montres, le professeur a dit ça, il accepte, alhamdulillah. Il n'accepte pas, tu le laisses comme il est. Tu le laisses. Peut-être que plus tard, ça ira. Mais ce n'est pas peine de te prendre la tête, de disputer, et de commencer à vouloir à tout prix, hein, forcer. Tu laisses. Donc tu vas laisser justement ces disputes. Hada idha kana al-amru mu'allaqan bid-din. Donc si c'est bien sûr vis-à-vis de la religion. Amma idha kana fi umuri ad-dunya fala wajha lil-mujadala fi. Mais si c'est dans les choses de la vie d'ici-bas, il n'y a pas besoin de se disputer. Enfin, si la personne a décidé de construire une table ronde, tu ne vas pas discuter avec lui, tu vas dire moi je veux que tu construises une table carrée ou rectangulaire. Khaled, il veut faire ce qu'il veut, c'est son bois, il veut une table ronde, laisse-le faire. Toi tu ne rentres pas dans la fin. وعلاج هذا وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث عن إظهار الفضل. Et la guérison de cela, comment on va se guérir de cela? Quelle est la solution? La solution, c'est donc de cela, c'est justement de se retenir, de montrer, en fait, de ne pas se sentir supérieur à la personne. C'est de casser, hein, le fait, parce que tu as un vouloir là, tu as une envie. C'est quoi? C'est que des fois, peut-être, tu veux montrer une suprématie vis-à-vis de la personne. Donc non, reste comme si c'était lui qui était meilleur que toi, afin de ne pas justement rentrer dans ça. Il est meilleur que toi, ce qu'il fait c'est peut-être mieux que toi. Vaut mieux que tu penses comme ça. Même si c'est faux, Khalis, Allah, c'est pas un problème. Je veux dire, c'est pas un problème que tu penses comme ça. Mais comme ça, tu vas pas justement arriver à quoi? À cette dispute. Si tu te considères à chaque fois supérieur aux gens, ben voilà ce qui va t'arriver. Il va t'arriver qu'en vérité, donc tu vas toujours les dénigrer. Tu vas toujours être, donc tu vas rester orgueilleux. On sait que c'est parmi les pires défauts que d'être comme ça. وأعظم من المرا الخصومة. Et pire que donc cette dispute, c'est le khusuma. Là, à ce moment-là, c'est une dispute qui est bien forte. Hein? فَإِنَّهُ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْمِرَى. Donc là, c'est quelque chose qui est rajouté. Donc c'est un niveau qui est supérieur par rapport au mira, le khusuma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim et d'autres encore, Ahsan al-Sunan, il dit أَبْرَدُ الرِّجَالِ لِلَّهِ الْأَلَدُ الْخَصِمِ. Les personnes les plus détestées, les hommes les plus détestés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui savent parler et qui se disputent. Allah al-Khasim. Ils savent, ils ont la parole et ils se disputent. Parce que c'est par la parole qu'ils se... Même si, a priori, ils gagnent. Parce qu'ils savent parler. Ils savent comment contourner. Ils savent ramener le bénéfice vers de leur côté. Mais simplement, donc comme si la vérité était... Il y en a près d'eux. Mais simplement, ils sont les personnes les plus détestées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'être le plus détesté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que tu profites ni de sa miséricorde, ni de énormément de choses, ni de ses bienfaits l'affaires. Tu profites de quoi? À partir du moment que tu es éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont les personnes les plus détestées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-khusuma na'ni biha al-khusuma al-batil, yani bil-batil ou bi-ghayri ilm. C'est-à-dire le fait de se disputer dans le faux, dans le vain, ou sans science. Ou sans science. فَأَمَّا مَنْ لَهُ حَقْ فَالْأَوْلَى النَّصْدِفْ يَنْ خُسُمَا مَهْمَا أَمْكَنْ. Et celui qui a de la science, donc il lui est permis à Kulhel de quoi justement non. Celui celui qui est dans cette histoire en vérité, la vérité est avec toi maintenant, c'est toi qui as raison. Le mieux pour lui, c'est de délaisser. Délaisse. Tu as raison, mais c'est pas grave. Délaisse. Hein? Quoi qu'il en soit. Tu vas faire ça, c'est-à-dire de la meilleure façon qu'il soit. Comme tu peux. Enfin, et tu sais très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, là aussi, je suis garant du milieu du paradis. Hein? Il y a du haut du paradis, dans le même hadith, du milieu du paradis, pour celui qui délaisse justement le mira. Même si tu as raison. Celui qui va délaisser la dispute, même si tu as raison. Tu auras une haute part. Tu auras une haute place au paradis. Le milieu, ça ne veut pas dire maintenant si c'est 100 degrés, tu seras au 50 degrés. Parce que le haut du paradis, il se termine par le Qubba. Ça qui est donc le Fardos A'la. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Donc c'est la forme du trône, hein, donc des Qawa'im, du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se termine comme ça, hein, en Qubba. Et il est au milieu. Hein, donc ça, c'est là, donc le milieu il est là. Mais ça ne veut pas dire le 50 degrés, ça tu seras en haut au paradis et au milieu. Donc près de qui? Proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que tu as un bon comportement et tu te tais de cela. Alors, imaginez-vous un petit peu, hein, ce problème. Mieux que celui qui aura fait le jeûne, mieux que celui qui aura fait énormément de choses. Mieux que celui qui aura peut-être œuvré énormément dans la religion d'Allah, parce que justement, tu juste comme ça, tu délaisses. Tu as raison et tu délaisses, prends-la. Parce que tu casses ton nefs. Tu casses ton nefs en vérité et tu n'es pas orgueilleux. Tu dis pas j'ai le haq, l'aizm, c'est moi qui moi, de force. Ou turuk. Tu délaisses et ma'anish. Tu auras ça de la part du prophète. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera, il va quoi? Il te donne une garantie de cela. Il est garant comme quoi tu auras ceci et cela. Mais c'est un hadith authentique, c'est pas en L'annaha tughiru al-sadr wa tuhayyishu al-ghadab wa tourithu al-hiqd wa tukhriju ila tanawul al-ird. Donc, ça va bien sûr, donc ça va commencer à te faire mal à Kulhel dans ces poitrines-là, après tu vas commencer à ressentir ces choses-là et tu vas t'énerver et après il y aura donc cette haine, elle va faire naître une haine et aussi tu vas commencer après à parler sur les gens, tu vas tomber dans le piège justement de riba ou bien de namima et autres. Troisième méfait est taqahur fil kalam. Taqahur, c'est donc le fait de parler avec une voix haute, en c'est-à-dire hautain, être hautain un peu dans ta parole. Et tu veux te montrer. Maintenant, hein, tu vois ce que tu veux. critiquer quelqu'un comme ça. Tu parles, même si tu parles de bonnes paroles, et que tu commences, oui, vous voyez, que tu fais exprès un petit peu comme ça, tu sais, ça, la façon de parler, qui est ta quand c'est le fait d'élever la voix avec une certaine. Tu es hautain dans ta voix et dans ta façon de faire. وَذَلِكَ يَكُنْ بِتَشَدُّقْ وَتَكَلُّفْ الشِّجْ. La vérité, ça, on les a appris, donc, c'est le fait d'exagérer. تَشَدُّقْ, c'est le fait justement de rajouter dans ton son, dans ce sujet-là, tu veux te montrer par rapport à cela. Donc tu vas bien sûr exagérer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié par l'Albani, rahmatullah alayhi, il dit Inna abradakum ilayya wa abadakum mini yawm al qiyamati masawikum akhlaqa. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus détestée auprès de moi est celui qui aura la place la plus loin de moi le jour dernier. C'est ceux qui ont justement les mauvais comportements. Alors on a un hadith qui prouve le contraire, que ceux qui sont celui qui est le plus proche de moi, c'est celui qui a le meilleur comportement. Parce que justement, le comportement, c'est la première chose, c'est le lycène. C'est justement le lycène, parce que celle-là, tu ne pratiques pas. Elle peut parler des heures sans se fatiguer. D'accord, on n'arrive pas à porter du poids, à faire du sport des heures sans se fatiguer. Là, ça, c'est le membre qui se fatigue le moins par rapport au corps. Vous avez dit quoi, pratiquement. Il peut des heures et des heures sans arrêter. On peut faire ça toute la nuit si on veut. Et après, il dit Falfadun, Al-Mutashaddiqun, Mutafayhiqun. Donc, il dit le prophète montre qui sont ces gens-là. Falfadun, yani, donc eux, ce sont ceux qui parlent beaucoup. Ainsi que ceux qui veulent être au-dessus des gens dans leurs paroles, qui veulent après les écraser des gens. Et aussi ceux qui sont orgueilleux. Donc il parle beaucoup, il est orgueilleux, il veut toujours avoir raison. S'il y a un majlis, on va dire les trois quarts du majlis, c'est lui qui parle. Il a toujours raison. Toi, tu commences une parole avec lui, si tu veux parler. Non, c'est pas ça. Laisse même pas parler, laisse pas terminer. Et lui, il raconte. Parce qu'il connaît tout. Ben, si vous l'avez sûrement connu à l'époque, à l'école, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 20 sur 20 partout là. Il y avait 20 sur 20 partout. C'est un peu ça, quoi. C'est comme si, et pourtant, tu vas lui dire, est-ce que tu as un diplôme? Il va dire, j'ai rien comme diplôme. Pourquoi? Parce que j'arrive pas. Et alors, comment tu fais dans la vie d'ici-bas pour être après le meilleur dans tout? Si tu étais le meilleur, ça se verrait même dans tes bulletins, ça se verrait dans énormément de choses. Et ça se verrait surtout dans le fait que tu n'aurais pas le temps de faire ça. Pas le temps, justement, de parler parce que tu as beaucoup de science. On sait bien que les gens de science, Hazarullah, Wachimarullah, c'était pas des gens qui parlaient justement beaucoup. Ils parlaient peu. À la tête de tout le monde, c'est le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Peu de paroles de sa part. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa la yadkhulu fi al-karaha al-shajj wa tasannu al-alfaz, yani wa tasannu al-alfaz al-khatib. Donc il est permis à quelqu'un, par exemple, c'est pas détestable de chercher à avoir d'être éloquent, et de rechercher d'avoir des mots comme ceux qui font la khutbah. Donc des mots qui vont être justes, qui vont permettre de toucher les gens. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. On parle pas de celui qui est éloquent. Celui qui arrive, mashallah, des fois, à mettre les mots juste à sa place. Ça, c'est pas un problème. On parle de celui qui veut s'enorgueillir vis-à-vis de cela. Wattadhkir min ghayr ifrat. Et donc, rappeler les gens sans exagérer. Wala irab. Et sans donner des mots qui sont rares, qui sont méconnus des gens. Ne donne pas d'adjectifs ou tout cela qui ne sont en l'origine pas connus des gens. Donc, tu élèves le niveau. Dans le dictionnaire, tu vas commencer à prendre des mots qui sont en vérité rares, qui ne sont pas en vérité du niveau de la masse populaire. Reste toujours proche de ceux qui t'écoutent. Tu n'es pas en train de parler, tu n'es pas dans l'Académie française maintenant, pour que tu lèves le niveau. Tu es dans un niveau qui va être moyen, les gens qui comprennent un français normal, et on y parle de cette façon-là, même si c'est le français ou bien même l'arabe, bien sûr. Les an al-maqsoud min zalika tahrik al-qulub. Car le but de la khutba, c'est justement de toucher les cœurs, c'est de réveiller les cœurs, de les faire remuer. Et c'est quoi donc? C'est justement toujours le fait de vouloir toucher les gens et de donc justement de toucher les gens vis-à-vis de cela. Quatrième méfait, elle fourche, c'est-à-dire donc le fait donc d'être fahish, le fourche dans les paroles qui sont donc les paroles, le fourche donc c'est donc le fourche, c'est-à-dire que c'est les mauvaises paroles, hein, comme les insultes ou quoi, mais ça baisse sur les insultes, le fouache aussi c'est la vulgarité. Donc c'est le fait d'être vulgaire, seb, donc insulté, et baza, donc c'est aussi, c'est comme le fouache. C'est comme le fouache, c'est un synonyme en vérité. Donc c'est un synonyme. Parce que des fois ça peut être, hein, el fouache, fa, ha, chin, el fouache. Hein? Et autre aussi, donc, tout ce qui a, toutes ces caractéristiques qui sont bien sûr réprimées et interdites dans la religion. Et il y a une parole de Ibn Omar, radiallahu anhu, donc dans le livre, si quelqu'un regarde le livre, il va voir le hadith. Quelqu'un qui regarde le hashia, il verra qu'en vérité, ce n'est pas le hadith du prophète, ce n'est pas le marfou, c'est marfouf. C'est une parole d'Ibn Omar. Il dit Yakum wal fourcha. Attention, faites attention à la vulgarité. Fa inna Allah la yuhibbu al fuhsha wa la tafahush. Car Allah n'aime pas la vulgarité et les gens vulgaires. Le tafahush, c'est en réalité les gens qui sont vulgaires, même vis-à-vis de leur comportement, vis-à-vis des gestes. Hein? Il ne va pas, mathalan, akram akum Allah, de faire de bras d'honneur. C'est un exemple. Ça, c'est le tafahush, pour que vous ayez une idée. Tu ne vas pas faire donc tu ne vas pas faire des mauvais gestes vis-à-vis de certaines personnes. Tu vas faire des choses qui ne se font pas. C'est un exemple. Et après, il dit aussi, donc ça c'est un hadith, donc Akhrajou ibn Abi Dunya, et il est authentifié, donc il est. Donc c'est ainsi le parole donc de Ibn Omar, où, donc là, enfin, le hadith qui est auparavant, enfin, c'est vraiment un hadith du prophète, c'est celui qui est en dessous, que c'est la parole d'Ibn Omar. Donc le hadith que j'ai dit, c'est un hadith authentique, rapporté par Ahmed, et il est authentifié par l'Albani, Ahmadullah. Et là, c'est une parole d'Ibn Omar, Afwan. الجنة حرام على كل فاحش. Le paradis est interdit pour toute personne qui est vulgaire. Toute personne qui est vulgaire. Haram. Donc interdit pour lui. Pour la personne qui est vulgaire. Comme le dit Ibn Omar. Radiallahu anhu. Et là, dans un hadith qui est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Laisse al-mu'min bit-ta'an. Wala al-la'an. Wala al-fahish. Wala al-badi. Certes, le croyant. Donc ne maudit pas, hein, donc il n'insulte pas. Ta'an, c'est-à-dire que le fait de critiquer les gens, de dire des mauvaises choses, de dire de mauvaises paroles, de prononcer de mauvaises paroles. Voilà la'an, ni il va maudire, voilà le fahish, donc ni il va être aussi, il va être vulgaire, que ce soit vis-à-vis de sa langue ou vis-à-vis de ce qu'il fait, donc ses gestes. Voilà le bavi, et c'est un synonyme, il est aussi bien sûr, c'est un synonyme de fahish. واعلم ان الفحش والبذاء هو التعبير عن الامور المستقبحه بالعبارات الصريحه. Sache que le fouch, hein, والبذاء, c'est le fait donc de parler de choses qui sont vulgaires avec des mots qui sont clairs, hein, donc il y a des fois la vulgarité elle peut être différente, on peut être vulgaire avec des mots qui sont des gros mots, enfin, donc des mots qui sont considérés comme, donc c'est des gros mots. وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به. Et donc la pire des choses, la majorité des choses qu'on trouve, c'est par rapport à Akramakum Allah, donc à l'accouplement, au sexe, quoi. Donc c'est justement par rapport à ça. وما يتعلق به, vis-à-vis de l'accouplement. On sait que les personnes aussi, parmi les pères des personnes, c'est ceux qui racontent ce qu'ils font avec leurs épouses. Ou bien des gens qui ne sont pas mariés, ils vont commencer peut-être à dire on parle dans ces manas, on tourne autour de ces manas. Le mieux c'est de ne pas éviter de rentrer dans tout ce qui est là. On ne parle pas de ça. Ça, c'est des choses qui sont totalement du privé. Imaginez-vous que déjà, même les enfants ne savent pas ce qu'ils font les parents, alors c'est pas l'étranger qui va savoir. C'est quelque chose qui est donc totalement du domaine des époux, tout simplement. Ça ne passe pas ça. Ça ne va pas dépasser ce domaine-là. C'est entre eux, c'est entre personne d'autre. Deux personnes, pas trois. Donc deux personnes, pas trois. Personne ne doit savoir ça. Ça, c'est vraiment chasse gardée, comme on dit. C'est vraiment, donc, chasse gardée. On se tait sur ce genre de paroles. فَإِنَّ أَهْلَ الْخَيْرِ يَتَحَشَّوْنَ عَنْ تِلْكَ الْعِبَارَاتِ وَيَكُنُونَ عَنْهَا. C'est-à-dire, وَيَكُنُونَ عَنْهَا. Donc, les gens du bien, ils n'osent pas parler, hein? Ils n'osent pas parler justement de ce genre de choses. Et ils s'éloignent de cela. Donc, c'est-à-dire le, donc la musique, l'akhirin. Il y a déjà eu des paroles par rapport à cela, parce que le Shiri a cité ça dans, c'est-à-dire devant ce livre. Et après, l'as al-khamisa, donc le cinquième méfait, c'est al-mizah, al-mizah, le fait de ce mot, le fait de rigoler, le fait de vouloir blaguer. Donc le fait de vouloir blaguer. Amma al-yasir minhu fala yunha anhu idha kana sidqan. Donc le mizah, il y a des fois des gens qui sont, donc, hein, il y a des personnes qui sont joviaux, c'est comme ça qu'on dit, donc une personne qui est joviale, il aime tout le temps rire, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Machallah, on dit c'est un bon vivant. Donc s'il exagère, ça, ça se fait pas. Il faut que ce soit rare, et donc les conditions, c'est que ce soit rare et que ce soit véridique. D'où tout vient d'Espagne. Alors en fait, t'es pas venu d'Espagne. Non, je rigole, en fait, je viens juste de dire. Je viens juste de dire, hein. Donc tu as menti. Alors que pourtant, tu as dit je rigole. À la fin, tu mets je rigole, comme si je rigole, c'était une taouba par rapport à ton mensonge. Là, ton mensonge a été dit. Et je rigole, ça, c'est pas une taouba à ton mensonge. Parce que tu as dit, pas parce que tu as dit je rigole que ça veut dire que c'était pas compté. Mais ça, facilement, on glisse dessus. Comme on aime, hein, rire. Et on était comme ça dans notre jeunesse, maintenant, ceci, cela. On est des gens qui aimons facilement, maintenant, le rire. Donc, le mizah, dans le fait de rire et de blaguer tout ça, c'est interdit si tu mens et si tu exagères dessus, si c'est tout le temps comme ça. Parce que ça va ramener, ça va influencer ton comportement. Et ça va donc t'amener à un comportement qui est autre que le comportement à avoir dans l'islam. فَإِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَمْزَحُ وَلَا يَقُلْ إِلَّا حَقَّ. Car le prophète صلى الله عليه وسلم donc rigolait et ne disait que la vérité. فَإِنَّهُ قَالَ لِرَجْلٍ يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ. Ô celui qui a deux oreilles. Donc le prophète, ça ne m'a pas menti. Il a, donc, hein, ça fait rire un peu, ça fait sourire, mais il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Et après aussi, إِنَّ حَمِلُكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَ. Certes, hein, donc On te fait porter, la naqal est enceinte, donc la chamelle est enceinte, on te fait porter sur l'enfant de la chamelle. Parce que il serait que la personne est au-dessus, donc l'enfant est quand même dans le ventre de la chamelle. C'est pas du mensonge. Et pour la ajouz, la femme, donc la vieille, la personne âgée, le prophète a dit Innahu la yatrul janna ajouz. Elle a pleuré cette femme. Donc elle a dit comment je ne vais pas rentrer au paradis? Parce que au paradis, il y a un âge. Et c'est un âge de shabab, donc c'est pas un âge de vieux, de personne âgée. Donc c'est un âge justement de jeunes. Donc c'est par rapport à ça que le prophète ça n'a pas menti. Et aussi, il l'a dit aussi, Zoujuka elle l'a dit fi ainhi bayad. Hein, donc ton mari, hein, où on retrouve dans ses yeux du blanc. Le contour de nos yeux, on voit bien qu'on a du blanc dans nos yeux. Donc il n'a pas menti, sallallahu alayhi wa sallam. Donc à ce moment-là, c'est permis. C'est comme ça. Donc, par rapport au mizah, qu'il est permis, donc premièrement il faut qu'il soit, faut que ce soit vérité, faut que ce soit véridique, hein, deuxièmement, donc ça peut se faire aussi quand c'est pour, regardez le prophète, ça m'a fait maintenant à un enfant, il l'a fait à une femme, à une personne âgée, donc c'est mieux de le faire des fois avec des personnes qui ont besoin de tendresse, des enfants, des femmes, des personnes âgées, donc ça veut dire ça c'est min al-adab, ça rentre dans l'adab, hein, de faire ça maintenant à des personnes qui sont enfin plus âgés, afin de hein, les faibles et l'akhiri, afin justement de leur faire un petit peu plaisir. Ça, on va dire, ça balade le club, hein, ça va justement adoucir, si on peut dire ça comme ça, justement leur cœur. Et troisièmement, kaunhu nadiran. Il faut que ce soit rare. Et c'est là que moi, ça me donne à réfléchir. Il faut que ce soit rare. Parce que c'est vrai que si tu le fais beaucoup, encore une fois, on revient auparavant, donc tu vas délaisser automatiquement, tu vas remplacer hein, cet amusement par. Donc tu vas oublier le rappel d'Allah et tu vas le remplacer par l'amusement. Amusement sur amusement. Alors demain, tu as oublié. Donc tu n'as pas appris quelque chose. Tu n'as rien appris. Amusement sur amusement, à ce moment-là, ben, donc, tu seras quelqu'un qui s'amuse c'est-à-dire toute ta vie. Et ça, c'est pas profitable pour toi. Il n'y a pas de maslaha dans ça. Fala yambari an yahtajja bihi man yurid ad-dawam alayhi. Donc il n'est pas demandé de prendre ce que le prophète ça m'a fait comme preuve afin d'y rester tout le temps. Dis le prophète il rigolait. Alors toi tu rigoles tout le temps. Et tu dis le prophète ça m'a rigolé. Non, mais on va dire aussi le prophète il pleurait aussi beaucoup. Le prophète il adorait énormément. Le prophète il est facile de dire parce qu'on connaît la vie du prophète comme toi. Donc on est aussi, on peut après se défendre vis-à-vis de cela. Ça a rigolé. Donc on va essayer de ressortir, hein, les paroles du prophète par rapport lorsqu'il rigolait. Combien sont-elles? 2, 3, 4, 5. On va sortir énormément, beaucoup plus de paroles vis-à-vis de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan. Fa'inna hukma nadir laysa ka hukmi da'im. Car le statut, le fait de ressortir un statut juridique de quelque chose qui est rare est différent que le fait de sortir un statut juridique de quelque chose qui est continuel, qui est fait tout le temps. C'est différent. Si tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas le witr ou bien rakat al-fajr, tu ne vas pas me dire que tu vas mettre le fait qu'il rigole au même niveau que cela. Hein, comme si que c'est-à-dire, si tu délaisses maintenant l'amusement, ça y est, ben, tu prends. Hein, donc tu, c'est pas que tu prends les péchés, mais tu, franchement, tu t'éloignes de la sunna du prophète. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire ça. Voilà, un insan dara mal habashati layla wa nahar. ينظر إلى لعبهم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة. Il donne un exemple. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم, on retrouve ce hadith dans le Kitab al-Jum'a, dans le Sahih al-Bukhari, où il a laissé Aïcha. Alors on sait que Aïcha, donc elle était là, le prophète était, c'est-à-dire fait le hijr, donc elle n'était pas sortie de sa pièce. Et elle était comme ça, elle se montrait, elle avait juste sa tête qui sortait, et elle voyait donc les gens de Habasha qui, dans la mosquée du prophète, le jour de l'Eid, donc faisaient leur jeu, c'est-à-dire leur chose qui était leur coutume. Et le prophète l'a laissé faire, a laissé Aïcha, donc elle est encore jeune, bien sûr. Regardez cela, c'est elle, il y avait en plus ses copines, donc des jeunes filles qui étaient là, et Aïcha se faisait montrer afin de dire regardez, je suis avec le prophète, parce que c'est un honneur pour elle d'être la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle regardait. Donc cela, ça ne veut pas dire que tu vas prendre ça comme délai pour dire j'ai le droit de m'amuser. Je veux dire, je vais suivre al-Habasha, ou bien imaginez-vous un cirque ou quoi, et je vais rester toute ma vie avec eux parce que j'ai le droit, parce que le prophète il a regardé une fois. Donc on voit que c'est encore une fois, et ça c'est une réponse à quoi? C'est une réponse en vérité à ceux qui disent que l'anachid, hein, donc c'est halal et qu'on le met partout, qu'il écoute matin, midi et soir. Alors que l'anachid connu, c'était par rapport, donc on sait qu'il n'y avait pas de musique, que ce n'était pas des voix, donc des paroles, des voix faites tana, ce n'était pas des paroles qui étaient contre l'islam, et c'était en plus nadir, etc. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, donc lorsqu'il a creusé le khandak, lorsqu'il a creusé, c'est Razat al-Khandak, il a creusé, il y a eu au moment des fêtes, hein, dans le hadith toujours dans le Kitab al-Jum'a, lorsque Aïcha avait donc deux qui récitaient, donc qui chantaient devant elle, c'est-à-dire que c'est un nashida, parce que le mot, donc nashida, c'est le fait donc de chanter ou bien psalmoder, mais c'était pas, c'est-à-dire la méthode de maintenant, synthétiseur et puis ceci, avec des voix de filles. Alors les gens vont dire, de toute façon elles ne sont pas pubères, mais elle a peut-être, dans 3 mois elle sera peut-être pubère, donc ça reste toujours des voix fatana, on arrive toujours à les gérer avec tout le matériel informatique et la crédit. Et là à ce moment-là c'est différent. Donc on a justement des gens qui ont du rouleau dans ce domaine. Ils prennent un dalil, mais ils ne le mettent pas dans le contexte. C'est pas comme ça l'islam. C'est pas parce que il y a eu une fois où le prophète ça me l'a fait, c'est-à-dire que toi tu fais ta vie avec. T'en fais ta vie avec ça justement. On doit savoir comment on doit se comporter avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de cela. Qu'est-ce qui est mustahab? Qu'est-ce qui est sunna, hein? Qu'est-ce qui est sunna muakkada? Il y a plein de niveaux qui sont différents. Il y a plein de... Qu'est-ce qui est mandoub il akhi? Donc il y a plein de niveaux vis-à-vis de cela, de façon de faire. لِأَنَّهُ يُسْقِتُ الْوَقَارِ. Car si tu fais cela, il va quoi? Donc il va faire disparaître en toi la quiétude. T'es tout le temps, donc des fois on va même jusqu'à dire c'est un clown quoi. C'est un marrant, c'est un clown quoi. Tout comme ça, il bouge, il gesticule, il fait rigoler, il rigole, il va rire. Tout le temps. C'est toujours lui qui fonce le premier dans les discussions, il fait rire les gens et tout. Donc, on ne va plus retrouver en cette personne une quiétude, un repos. Jusqu'à tout le voir. وَيُجِبُ الدَّرَائِنَ وَالْأَحْقَادَ. Et il va ramener justement le fait que justement, a priori, ça va ramener automatiquement à quoi? À des disputes. La personne va tomber dans les disputes. Parce que tu vois, il va attaquer tel. Mais il y a des gens, ils n'aiment pas ça. Il y a des gens, tu vas dire un petit mot, toi tu crois que c'est rien pour toi, parce que tu as tellement l'habitude de rigoler que tu ne sais plus faire la balance entre ce mot, est-ce qu'il est bien placé ou pas. Donc la personne qui est en face, il n'accepte pas. Lui, il ne connaît pas ça. Lui, justement, il ne compte rien, pas trop rigoler. Toi, tu vas te rigoler avec lui. il va dire, moi, tu ne me connais pas, tu rigoles pas avec moi. Mais enfin, c'est un exemple. Il va détester ça. Donc, on voit bien que c'est pas comme ça qu'on fait. Non seulement on doit dire la vérité, en plus on doit pas. Des fois, tu sais que tu auras énormément vexé. Tu l'auras peut-être vexé, et en vérité, énormément, parce que justement, tu ne sais pas que cette chose-là, elle le touche. Elle lui fait énormément mal. Donc, il faut faire attention aussi par rapport à cela. Wa amma al-yassir kama taqaddam. Donc, vis-à-vis de le fait, si c'est un petit peu comme on l'avait auparavant, min nahwi an-nawr yani mizah an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa innahu fihi inbisatan wa tib an-nafs. Car il y a donc ça fait sourire et ça fait plaisir au cœur. Si c'est un petit peu comme ça, si la personne elle vient, elle dit hein, deux, trois kalam comme ça. Mathalan. Des fois ça arrive, des jours, si tu dis est-ce que l'aham ahl kitab halal, est-ce que la viande des gens du livre halal, c'est halal ou c'est pas halal la viande des gens du livre? C'est à l'égorger. Je pose une question. Haram. Hein? Est-ce que tu vas égorger une personne du livre? Est-ce que tu vas égorger quelqu'un du genre du livre? Vas-y, moi je te pose la question. Est-ce que la viande des gens du livre, c'est-à-dire le chir, est-ce que on a le droit de jouer avec le mot? C'est pas haram. Le chir, il va dire la haram. Je reste comme ça. Là, il dit non, parce qu'il a voulu dire, je te parle pas d'une scène. Donc, le chir, il va rigoler à ce moment-là, c'est permis. Hein? Donc, il y a encore d'autres façons entre Al-Bani et Chir Nebez, au niveau de la conduite. Lorsque Chir Al-Bani roulait vite, c'était connu qu'il roulait vite. Donc, il y avait une personne qui était là qui lui a dit tu roules trop vite. Et Chir Nebez, il dit que faut pas rouler vite, c'est interdit. Parce que si maintenant. Donc, il parle par rapport à l'interdiction. Chir Al-Bani dit ça, c'est une fatwa de celui qui connaît pas la vitesse. Donc, cette parole, elle arrive à Chir Nebez, il dit ça, c'est une parole de celui qui n'a pas encore payé le dire. Celui qui n'a pas encore payé, c'est que lorsque tu tues quelqu'un, tu dois donner son chameau. Donc, c'est une façon de rigoler. Mais il n'y a pas de mensonge derrière, je veux dire. Il n'y a pas de mensonge, mais il y a un mizah derrière, il y a un mizah qui est permis. Donc on doit savoir quand est-ce qu'on... C'est subtil en vérité, c'est comment savoir rigoler avec les personnes. Donc là on a affaire à l'ilm, des gens de science, qui, alhamdoulilah, passent leur vie dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne sortent pas de... qui rentrent pas dans le haram. Donc on voit qu'on peut, mais il faut savoir en vérité comment le faire. Sixièmement, al-sukhriya wal-istihza. Donc le fait de se moquer des gens. Hein, la moquerie. Wa ma'na sukhriya al-ihtiqar wal-istihana. Vouloir en vérité rabaisser les gens. L'ihtiqar, c'est-à-dire tu détestes quelqu'un. Wal-istihana, tu veux le rabaisser. Hein, tu veux en vérité, pourquoi pas le détruire. Hein, tu veux l'avilir, tu veux le rabaisser. Wa tanbih ala al-uyub wa an-naqa'is ala wajhin yani yudhik an-nas. Hein, yudhak minhum mathalan. C'est-à-dire tu le fais, tu viens, tu donnes, donc tu montres, tu dévoiles des défauts de ton frère afin que les gens s'en moquent, afin que les gens vont se moquer donc de ces défauts. وَقَدْ يَكُنْ ذَلِكَ بِالْمُحَاكَ فِي الْفِعْلُ وَالْقَوْلُ. Donc c'est possible que ça sera donc ce qu'il a dit ou bien ce qu'il a fait. Ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Mais toi, en vérité, ton but, c'est de l'avenir. Mathalan, si... Il aurait dit des mots. Si maintenant il accepte, il a dit un mot, il s'est trompé. Hein? Il a dit un mot, il s'est trompé. Et toi, tu le rectifies dans ce mot, c'est un bon ami à toi, tu souris. Et que ça ne le dérange pas, ça le fait rire, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tu ne rentres pas dans le riban. Tout en sachant toujours où il s'est géré. Mais ce n'est pas après que tu le dis partout. Il a dit ce mot-là, il a fait ça. Et ça reste devenu. Il a dit il y a 15 ans qu'il a dit ce mot-là. Mais les gens le surnomment par rapport à cette situation-là, tout le temps. Ça arrive, ça. Dans les quartiers, ça se fait beaucoup. On lui a donné ce mot-là parce qu'il y a 15 ans, il avait sorti cette phrase-là, il s'est resté. Ça lui est collé à vie. Alors que normalement, il faut justement, spécialement chez les musulmans, c'est le contraire. Il faut lui sortir autre chose, hein, quelque chose qui va l'honorer. Quelque chose dont il va être appelé avec un enclinement, plutôt. Hein, le fait qu'on va appeler les gens par leur plus bon nom, normalement, le jour dernier. Donc c'est plutôt, ça devrait être le contraire. Ne l'appelle pas par les noms dont vont être appelés. Le koufar, le munafiqin, tout ça, avec leur plus mauvais nom. Alors comment, non, donc normalement, on doit faire attention à cela. Afin de ressembler plutôt à ce qui va se passer au moment présent, plutôt que de ressembler hein, au koufar, au munafiqin, tout ça, qui vont être appelés, ou à l'ibida, qui vont être appelés par leur plus mauvais nom. Quand même, on voit qu'on devrait en vérité rester toujours dans le domaine islamique par rapport à cela. Aussi par rapport aux gestes, aux yeux. Tu fais comme ça, hein. On sait très bien que c'est des choses qui sont haram. Lams, wal hams. Wa kulluhu mamlu'un minhu fi shara. Wa warada an-nahyu anhu fi kitab wal fi kitab wa sunnah. Na wa lu kulluhu mazat minhu mazat. Là, on a déjà une preuve. Malheur. Walwaïd, comme le dit certains ulama, donc c'est. Hein, ce waïd, c'est ça? C'est le waïd ou là c'est le shajara? Le waïd. Hein, c'est le waïd. Septième méfait. Ifsha al-sir wa ikhlaf al-wa'd. Le fait de dévoiler les secrets et de ne pas respecter le dépôt. Tu avais prêté engagement, tu te désengages. Donc tu ne respectes pas. Tu n'es pas de parole, on va dire. Parce que tu n'as pas tenu ta promesse, tu n'as pas tenu ta parole. Wal-kadhib fil qawli wal-yamin. Le fait de mentir, donc dans la parole et lorsque tu jures aussi. Wa kullu dhalika manhiyun anhu. Tout cela, bien sûr, est interdit. Illa ma rukhisa fih, min al-kadhib li zawjatihi. Sauf ce qui a été permis dans le mensonge vis-à-vis de son épouse, ou fil harb, en guerre, fa inna dhalika yubah, car cela bien sûr est permis. Et vis-à-vis de l'épouse, ça ne veut pas dire que tu es tout en train de mentir. Tu dis pour éviter le fitna. Il est possible que des fois certaines épouses aiment ce qui est cher. C'est trop. La personne, elle peut pas des fois subvenir, ou bien même si elle peut subvenir, c'est trop quand même. Faut pas que la chose elle est en dessous de 50 euros. Psychologiquement, pour elle, ça lui fait du bien, ça l'achète plus cher. Tu l'as acheté 27, tu l'as acheté 30, et tu lui dis je l'ai acheté 60. Elle se calme. Elle se calme vis-à-vis de cela. Tu vois, c'est vraiment. Il ne faut pas que ce soit toujours la même chose. Il faut que ce soit nadir, il ne faut pas que ce soit une habitude. Il faut qu'il y ait une raison. Parce que tu sais que si tu le fais, il y aura. Par exemple, si tu, donc ça fait. C'est exagéré. Elle devient triste pendant 5 jours. Elle a un caractère comme ça, même. À ce moment-là, tu peux. Mais, pour rien, donc tu t'amènes à ce moment-là, non, parce que ce moment-là, c'est pourquoi ? Parce que c'est très proche du calibre. Parce que ça devient, même si c'est pas du calibre, c'est très proche du calibre. Et ça ressemble au calibre. Alors tu ne dois pas ressembler aux gens du mensonge. C'est pour ça que ce moment-là, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Donc dans Bétou, donc on y a des règles, bien sûr. Donc, ce qui est permis, c'est que tu ne peux pas arriver à ce que tu vas dire que par le mensonge. Si tu peux dire la vérité, tu n'as pas le droit à ce moment de mentir. Tu ne peux pas utiliser justement hein, cette tawliya, tu peux pas venir l'utiliser, tu ne vas pas faire de hila. Hein, pourquoi ? Parce que tu n'as que cette solution-là. Si tu as autre solution et que cette solution est véridique, c'est dire la vérité, en ce moment, c'est haram pour toi. C'est que parce qu'il y a donc cette solution. Donc n'utilise que si vraiment tu n'as pas le choix. Déjà. فَهُوَ فِهِ مُبَاحٌ إِنْ كَنَا ذَلِكَ الْمَقْصُودُ مُبَاحًا. Et si bien sûr le qasd bihi, c'est-à-dire la niya de cela, est permise. Wa in kana al-maqsud wajiban, fa huwa wajib. Si à ce moment-là le but est une obligation, donc à ce moment-là ça devient obligatoire selon le sur le contexte. Fa yanbaghi an yahtariza 'an al-kadhibi mahma amkan. Car la personne elle doit après se protéger et d'avoir une protection, donc comme si c'était une muraille contre le mensonge de. La façon la plus solide qui soit, de la façon la plus forte qui soit. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas entrer dans ce monde, dans les choses du mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré le mensonge pire que le vol et autres. Non, mais il vole, donc musulman il ment pas, le croyant il ment pas. Donc ça c'est une sifat qui est qabiha jiddan. Pourquoi ? Parce que le mensonge, c'est la mère, amène à toutes ces fawahish qui viennent après. Les autres c'est moins grave, parce que quand tu peux mentir, le fait que tu mens. Quelqu'un qui a l'habitude de mentir, il va voler, il va se sentir comme s'il n'avait pas volé. C'est un mensonge pour lui. Il va se mentir à lui-même. Et il va faire. Donc tous ces petits péchés-là sont rien par rapport, c'est des grands péchés, mais par rapport, je parle par rapport au mensonge. C'est un plus grand péché que ce qui vient, ce qui est autre. Et c'est ce qu'il y a de pire, dans le sens où, surtout chez l'arabe, si ça peut t'en mentir une fois, ça y est. Donc ta adala, elle tombe, à ce moment-là, tu ne reviens pas. Tout ce que tu diras toute ta vie, ça ne sert à rien du tout. Donc, il se peut que tu vas faire un péché. Peut-être personne ne l'aura vu. Là, tu auras fait ta oba, on n'en parle plus. Même si un ou deux ou trois l'ont vu, tu fais ta oba. Mais ils savent qu'à l'origine, tu es véridique. Ils savent qu'à l'origine, toi, tu es tombé dans le piège, tu as eu une faiblesse. Là, alhamdoulilah, tu as fait ta oba. Allah, il t'a permis de faire ta oba. Et malgré ça, il va toujours rester avec toi d'un bon comportement. Là, si tu es un menteur, c'est fini pour toi. C'est terminé pour toi. Et il n'y a pas pire que d'être rejeté de tout le monde. Parce que comment tu vas vivre normalement si plus personne ne t'écoute? Comment tu avais, c'est la plus personne en vérité et confiance en toi. Ne serait-ce que pour les moindres choses. Ne serait-ce que pour les moindres choses. Et il n'est pas possible de ne pas vivre en société. il n'est pas possible. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, justement, a fait de nous des peuples et des tribus afin qu'on se connaisse. Donc là, il y a bien justement à ce moment-là une vie en société. Et si tu mens, c'est même plus la peine. Donc par rapport à ça, hein, donc par rapport au ma'arid, c'est-à-dire là, c'est par rapport à ça. Donc là, c'est un hadith qui est daif, on va quand même le mentionner, hein, du fait qu'on parle d'un sujet, après même si c'est un hadith qui est daif, le ma'ana il reste sahih. Inna fil ma'arid mandouha anil kadib. C'est-à-dire le ma'arid, c'est le tawliya, c'est-à-dire le fait de ramener, donc on a eu besoin d'utiliser cela, c'est-à-dire que tu vas en vérité, le tawliya, c'est-à-dire que tu n'es pas clair dans ce que tu dis. Tu utilises des façons détournées afin de vouloir faire croire cela. C'est comme on dit maintenant à l'époque de l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, certains savants ont dit Torah, wal Injil, wal Zabur, wal Quran, hein, kulun, mais en vérité, lui, yaqsudu, il veut dire par cela ses doigts, makhluq. Ses doigts, c'est vrai, ils sont makhluq. Il y avait un savant qui disait à son épouse, lorsque les gens venaient chez lui, mais il n'y a pas le temps parce qu'il est dans son ilm, et que les gens veulent le visiter, il ne veut pas les rejeter comme ça, il n'a pas envie de leur dire qu'il ne veut pas les accueillir maintenant. Il envoie son épouse, dépasse ta main et dit il n'est pas là. Afin de dire qu'il n'est pas là dans sa main. Hein, donc il y avait après la même chose. Ou bien il disait aussi maintenant, il envoyait sa servante et il disait Aklobohu, fil majid, cherchez-le dans la mosquée, il est peut-être à la mosquée. Cherchez-le à la mosquée, mais sans mentir, sans dire qu'il n'est pas là. Cherchez-le à la mosquée. Mais elle ne disait pas il n'est pas là, maintenant. Si elle dit n'est pas là, il faut qu'elle ait un casque qui sera bien précis, ou bien l'endroit bien précis, elle a ma fin. Il y a une pierre là, elle dit n'est pas là. Donc, elle parle de ce moment, de cet endroit qui est bien précis. Ou bien elle a dit, allez voir à la mosquée. Elle disait, allez voir à la mosquée. Elle n'a pas dit n'est pas là, donc elle n'a pas menti. Ça, c'est une théorie. Hein. Mais ça, ce n'est pas des choses qu'il faut utiliser à chaque fois. Il faut quand même des raisons. T'en fais pas ta vie. T'en fais pas en vérité, hein, quelque chose comme si c'était une parole normale. Qui est moubah, je veux dire, c'est moubah pour des raisons, quand même. Pour des raisons. Que si le shir n'avait pas perdu son temps, c'est-à-dire qu'il faisait tout le temps rentrer les gens chez lui, et que ça ne se termine pas, peut-être il sait qui vient en face, on ne sait pas qui vient en face, mais ça, c'est qu'il reste très longtemps, à ce moment-là, ben, il ne va pas enseigner, ou bien il ne va pas propager sa science comme il le faut. Imaginez-vous, je vous donne juste un exemple, Cheikh Antimou, Cheikh Al-Bani, Rahmatullah Alima, s'ils étaient comme ça, s'ils perdaient leur temps, imaginez-vous c'est-à-dire la science qu'on n'aurait pas eue. Les livres qu'on n'aurait pas eu, s'ils s'amusaient à ramener tout le monde à sa maison, et puis. Là, le temps, il est cher. Le temps, il est cher. Et Cheikh Mantimi l'a montré, lorsque ceux qui étaient ceux du bled, GIA, tout ça, ils l'ont téléphoné pour qu'ils sachent qu'ils sont dans le faux, ils ont quand même eu l'esprit de lui téléphoner afin de revenir. Hein, donc c'est des cassettes qui sont connues. Et il leur avait dit, telle heure. Ils ont eu 20 minutes de retard, ils ont dit c'est important, il a dit non. Pourtant c'était quand même une histoire chaude. Il leur a donné 10 minutes, il leur avait donné une demi-heure. Ils l'ont appelé que 20 minutes, ils l'ont appelé 20 minutes en retard. Il leur a dit vous avez 10 minutes, c'était terminé. Quand c'est l'heure, classe. Donc c'était pour montrer que le temps, il est cher chez eux. Il est très cher. S'ils pouvaient acheter nos temps perdus à nous, ils l'achèteraient. Même, hein, de la plus haute valeur. Si c'était acheté, ils l'achèteraient tout de suite, c'est ce qu'ils feraient. C'est peut-être la première chose qu'ils achèteraient. Avant peut-être la nourriture. Avant peut-être de la nourriture, si l'heure, elle s'achetait. Le racheter parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils en ont énormément besoin. Huitième méfait, al-riba. Al-riba, bien sûr, c'est connu. Et c'est interdit dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le riba est comparable au fait de manger, hein, la viande de ton frère, morte, de la charogne, hein, fakarer tumo. Et. Comme vous détestez, hein, c'est-à-dire profondément de la viande qui est dans de la charogne, imaginez-vous une personne morte, tu n'arrives pas à la manger. Donc tu dois détester normalement le riba comme tu détestes de manger ça. Voilà la comparaison, comment elle est forte. C'est pas une petite comparaison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Certes, vos sangs, vos biens et vos honneurs sont sacrés. À partir du moment où tu es croyant, tu deviens sacré. Tu deviens sacré. Et à partir du moment où tu es sacré, donc c'est comme si, toi quand tu es en salat, tu es dans un moment de sacralisation. Tu es dans un moment de. C'est pour ça qu'on dit takbirat al-ihram. Le takbirat, hein, lorsque tu rentres, donc tu as fait le takbirat, non, Tu rentres dans la salat, à ce moment-là, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Tu ne vas pas manger, tu ne vas pas parler, tu ne vas pas faire ceci. Et lorsque tu es en ihram, la même chose. Il y a des choses qui te sont interdites, des choses qui te sont détestables, et là, et bien ton frère, c'est comme si c'était ça. C'est comme si c'était ça, la salat, dans le sens où il est sacré, tu ne peux pas le toucher. Il faut qu'on pense comme ça, comme si c'était. Hein? Donc ça veut dire que c'est une adoration permanente, dans le sens où tu ne touches pas ton frère parce qu'il est sacré. Ni ses biens, ni son sang, et ni son honneur. Ni son honneur. Et le riba, justement, le fait que c'est toujours par rapport à cette. Hein, qui est ce membre qui est la langue, qui est petit, mais qui fait énormément de dégâts. Donc il faut faire justement. Donc il faut réussir à faire attention à cela. Et aussi, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, et authentifié par l'Albani, rahmatullahi, il dit Ya ma'shar, man amana bi lisanihi, wa lam yutri l'iman qalbu. Oui, non. Oh. Riba. La signification, c'est plus calomnie ou médisance? Médisance, non. Oui. Médisance. Donc, le professeur m'a dit bien, voilà, mia troulien iman kalba. Ça veut dire que, ô peuple, de ceux qui croient avec leur langue, mais elle n'est pas entrée, c'est-à-dire que cette croyance n'est pas entrée dans le cœur. En fin de compte, c'est que des dias. C'est que de ce qu'on appelle idia, c'est-à-dire c'est en vérité c'est que du parler. Hein, donc tu prétends, c'est de la prétention. Moi je suis un croyant. Et là le professeur lui dit non, t'es pas un croyant. Regardez, parce qu'il dit là, la croyance elle n'est pas entrée dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il dit? La tartabou el muslimin. Ne médisez pas sur les musulmans. Donc sache que la médisance, c'est-à-dire que t'as un problème. T'es pas un réel croyant. T'es pas un réel croyant. Voilà tattabi'u awratihim. Et ne suivez pas leurs défauts. Hein, comme si Allah a placé des anges pour noter les hasanat et sayyat. Il a placé des gens de confiance. Allah n'a pas placé les hommes. Si Allah ne t'a pas placé, il n'a placé aucun homme pour cela. Alors pourquoi tu t'emmènes? Khalle les anges étrangers. Du quoi tu te mènes? Hein, les anges étrangers, ils sont là pour ça. Mais tu n'as pas confiance. Quel est l'azam que tu suis? Tu ne seras pas jugé sur lui. Tu ne seras pas du tout jugé sur les péchés d'un frère. Mais, sauf si maintenant tu laisses faire, tu laisses faire, tu laisses faire et tu ne fais rien. Mais tu l'arrêtes lui, tu le protèges lui, tu le conseilles lui, tu le purifies lui. C'est ça le nasiha. Nous, ça veut dire purifier. Donc tu vas purifier son frère de ses défauts afin qu'il devienne pur, justement de ses défauts. C'est ça le but. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَتَهُ تَتَبَعَ اللَّهُ إِنِ عَوْرَتَهُ. Donc celui مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَتِهِمْ تَتَبَعَ اللَّهُ. Donc celui qui suit les défauts de son frère, celui qui recherche les défauts de son frère, Allah il va rechercher ses défauts. Là il y a ce moment-là un peu plus dangereux que toi, que ça, parce que Allah connaît tous tes défauts avant que déjà que tu les, avant déjà que tu les fasses, que tes péchés, Allah les connaît à l'avance. Donc à ce moment-là, tu as affaire à quelqu'un qui va suivre tes défauts et qui est le parfait connaisseur de tes défauts. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas un homme qui peut savoir quelques défauts qui lui doivent arrêter, il y a encore d'autres qui sont cachés, il ne les connaît pas. Là, on a affaire à quelqu'un qui connaît parfaitement tes défauts. Tout. Qui a englobé tout cela. Sa science, elle a englobé tous tes défauts. Donc, c'est chaud. Parce que là, c'est ton ennemi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, il dit وَمَنْ تَتَبَعَ اللَّهِ يَنِي عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي جُو فِي بَيْتِهِ. Si Allah يعني, suit ses défauts, il va quoi? Il va le dévoiler, même s'il était en vérité au milieu de sa maison. Même si c'était dans la pièce. Là où il se cloître, par exemple sa chambre, même si tu étais dans le plus profond de ta maison, Allah il va te sortir et ça va partir partout. Et ça arrivait aux gens qui ont eu surtout spécialement l'habitude de critiquer les mu'minines, mais spécialement les ulama. Je te parle des ulama min ahl sunnah wal jama'ah. Allah il les a avilis d'une certaine façon. Allah est l'ajab. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé sur l'ulama. Et si tu parles sur l'ulama, comme le disait l'ulama même, c'est comme si tu parlais sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque du prophète. Parce que donnez-moi mieux que l'ulama. Qui? Donnez-moi mieux que l'ulama. Qu'est-ce qui peut maintenant ici me dire qu'il y a meilleure personne que l'ulama sur cette terre? Tu connais quelqu'un? Tu vois, il y a des prophètes, il n'y en a plus. Parce que maintenant, c'est les héritiers des prophètes, ce sont les ulama. Donc il n'y a personne. Tu parles sur eux, tu vas parler sur eux, justement. Et tu es même chez les ulama, comme le dit, tu es un ennemi de l'islam. Carrément. Le Qiyam dit bien que tu es un ennemi de l'islam. ce moment-là. Donc si tu veux être un ami d'Islam, t'as pas d'âme. T'as pas d'âme, tu auras le résultat. Tu auras justement le résultat de cela. Et ça, ça rentre dans un fait de l'Islam. Si déjà ton frère, qui n'a pas, hein, qui justement, qui n'a pas enfin, de notoriété, que tu parles sur lui, alors que dire si tu parles des ulama, min al-sunnah wal-jama'a, dans le vide, comme ça, et qu'il n'y a aucune raison de parler, aucune maslaha, aucune faïda. Si il y a des faïdas, de savoir des erreurs de ceci ou des erreurs de cela, tu les fais de façon shar'i. Tu les fais de façon shar'i avec l'aval des ulama. Avec l'aval des ulama, pas ton aval à toi. Avec l'aval des ulama. Donc il faut que ce soit shar'i du début à la fin. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est acceptable. Mais si c'est mujarrad al-hawa, ou bien juste parler dans le vide, à ce moment-là, ça ne sert à rien du tout. Au contraire, ça sera pas une faïda pour toi, mais au contraire, ça sera une mafsada pour toi. La mafsada, elle va être kébira. Elle va être kébira. Allah, il va rentrer dans ton cœur, justement, parce qu'il a entré dans ton cœur bourde, elle l'ulama. Et là, c'est ce qu'elle pire. Abu Darda, il dit, dans ce wasaya, il dit, si vous n'aimez pas les ulama, alors ne les détestez pas. Il est possible qu'il y ait des gens qui ne sont pas tolérables, qui n'ont pas spécialement d'affinité, ou bien qui ne cherchent pas. Qu'est-ce qu'il dit ça? Donc, lui, il n'est pas parti de ceux qui aiment les ulama, c'est-à-dire comme il le faut. Alors, au moins, si tu es comme ça, alors ne les détestez pas. C'est-à-dire, retiens ta langue. Vis-à-vis des ulama. Et là, on voit que c'est pire. Et cependant, ça arrive. Fais attention à ça. Hein, Allah, il est aux aguets. Et dans un autre hadith, qui est aussi après Daif, mais on va quand même le mentionner. Iyakum al-riba, fa in al-riba ta'ashaddu min al-zina. Donc, c'est. Ma'na. Donc, fais attention au riba, car la riba est pire que le zina. Inna rajula qadin yazni wa yashrab. Thumma yatub wa yatub Allah alayhi. Donc, car il est possible qu'une personne fait zina. Il boit de l'alcool et il se repent et Allah accepte son repentir. C'est-à-dire que celui qui fait le riba, celui qui commet la nuisance, ne sera pas pardonné que si celui, donc de droit, celui qui a, c'est-à-dire subi cette injustice, qui est la médisance, pardonne. Ma'ana les sahih. Parce que parmi les taubas, c'est de rendre mavalim. De rang justement, c'est-à-dire si tu as été injuste envers quelqu'un, il faut que cette injustice elle soit réparée. Comment tu vas la réparer? Que par, enfin, si tu as parlé du mal envers quelqu'un devant deux personnes, tu vas voir ces deux personnes, tu vas dire le contraire, tu vas dire du bien. Donc c'est comme ça que tu fais. Tu n'es pas obligé d'aller voir lui, afin de ne pas tout rentrer dans son cœur, on ne sait jamais qu'il n'est pas assez fort, il a parlé sur moi, ça va rester. S'il ne le laissait pas, alhamdulillah, il vaut mieux que ce soit comme ça. Tu ailles voir la personne, tu lui dis. Et si c'est dans une grande majlis, c'est dans une. Oui, selon là où tu l'as dit. Tu l'as dit devant 150 personnes? Parce que tu fais des cours maintenant, dans ton prochain cours ou quoi, dis le contraire maintenant. Si tu as fait du riba sur ton frère, alors qu'à ce moment-là, c'était du riba. Et le riba, justement, parce que ça ramène quoi comme résultat? Yufsid. Hein, yufsid, ça ramène justement le fesed. Ali ibn al-Hussein, radiallahu anhuma, dit Iyaka wal riba fa innaha idamu kilab al-nas. Attention au riba, la médisance, car c'est la nourriture des chiens des gens. Kilab al-nas. Ce sont les chiens parmi les gens. Ce sont la nourriture des chiens parmi les gens. Donc ils y sont mentionnés, ils sont appelés comme chiens. Riba, c'est comme si tu étais un chien. Parce que c'est vrai que tu manges la charogne. On va dire que c'est ce que je compare à un chien qui mangerait n'importe quoi. Donc tu es comme ça. Tu es considéré comme quelqu'un qui a une assiette et que c'est que des choses qui sont sales dans ton assiette. C'est ça ton riba. L'assiette, c'est ton cœur en vérité. Cette assiette-là, c'est ton cœur. Tu te nourris. Parce que tu écoutes. Comment le riba? Parce que tu écoutes le riba et aussi tu propages le riba. Tu l'écoutes. Donc tu manges n'importe quoi et en plus, tu donnes à manger n'importe quoi. Bon, le riba, c'est quoi? Un tathkola achak, un raiba bimayakrahu idabalaram. C'est que tu rappelles de ton frère, donc tu dis sur ton frère, qui est absent, ce qu'il déteste. Sawa'un kana naqsan fi badanihi. Que ce soit donc un manquement ou un défaut dans son corps. Il est petit, il est trop grand, il est trop maigre, il est trop gros. C'est du riba. Trop blanc, trop noir, trop ceci, trop cela. Il est borne, il louche. Il a un bec de lièvre, enfin, mais lui en réalité, il n'aime pas qu'on parle de ça. Il le déteste. Ça ne le dérange pas. Et toi, Tania, c'est pas de ça ne le dérange pas. On verra ça après parmi les conditions. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. On verra comment. Inch'Allah. Ou, donc, par rapport à sa lignée, sa descendance, c'est le fils d'un tel qui a fait tel péché, le fils d'une telle qui fait tel péché, ma femme, des choses comme ça. Ou c'est un berbère, c'est un arabe, c'est un turc, ma femme, des trucs comme ça. Mais toi, bah, tu veux, hein, tu cherches à rabaisser ma femme comme ça. Donc tu veux après, il y a quelque chose derrière. Et lui, il va détester cela, ma femme. Ou bien aussi vis-à-vis de son comportement. Et c'est là où on doit faire attention. Parce que des fois, parce qu'il y a un mauvais comportement, alors on croit qu'on a le droit. Mais du moment où on aura le droit, c'est une faïda, c'est une maslaha. Et tu n'as pas le droit de dépasser la limite de la maslaha. Et là, donc c'est ma femme de dire qu'il y a un mauvais comportement. Il est avare. Hein? Il est avare, ma femme. Il est faible. Donc il est chassissilaire, donc il est avare, ma femme. Il est akhili. Il est avare, il est orgueilleux. Tu vas parler de son comportement. Ça, on peut le dire facilement. Ça, c'est un point où on peut le dire beaucoup plus facilement. On va plus parler du comportement que des fois de la personne elle-même, de son physique. On tombe plus facilement dans ce piège-là, surtout celui-ci. Ou dans ses habits. Hein? Son habit est sale. Il a des grandes manches. Maintenant, tu critiques l'habit de la personne. Et dans un hadith rapporté par le même musulman, où il dit, donc, Zikruka Achaka, donc, Bimayakra. Donc, le fait de te rappeler ton frère de ce qu'il déteste. Qal, donc le compagnon nous dit, Araita in kana fi akhi ma aqulu ya Rasulallah. Vois-tu si ce que je dis sur mon frère est véridique ou envoyé d'Allah? Qala in kana fi akhika ma taqul faqad ikhtabta. Donc, si ton frère, donc, c'est-à-dire, est doté de ce que tu as dit, donc il y a en lui, rahmatullah, il y a en lui ce que tu dis, donc tu as commis la médisance. Wa il lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Et si, donc, il n'est pas comme tu le dis, en ce moment-là, tu as menti sur lui. Hein, tu as fait le bohd, et c'est le kadhib, le azim. Le bohd, c'est un kadhib qui est azim. Et le riba, donc, ça peut être autre chose que la langue. Ça peut être aussi par donc des signes de la main, des yeux, comme ça, donc les sourcils, tout ça, il a créé, et aussi l'écriture. Donc c'est après tout ce qui va réussir à être compris. Hein, moi, à partir du moment où je vais comprendre. Donc c'est tout type de langage, si on peut dire ça comme ça, que ce soit le langage écrit, que ce soit le langage des signes, ou que ce soit mais sur la langue, la parole. Bien sûr qu'il y a la première. Car on dit que la plume, c'est quoi? La plume, c'est la deuxième langue. Car la plume, on l'appelle la deuxième langue. On parle et on écrit. La plume, c'est considéré comme la deuxième langue. Et parmi les pires, donc akbah, anwa' al-riba, parmi les pires des choses, c'est justement donc, le fait de vouloir mathan, critiquer les gens, mathan, en disant mathan, avec mathan, il est proche de tel émir. C'est un exemple. On est dans un pays musulman. Il y a des gens qui sont proches des émirs. Et tu vas, tu dis, alhamdulillah, il a dit, Lam yabtalina bi dukhul ala sultan. Alhamdulillah, Allah m'a protégé le fait d'être proche des gouverneurs. Parce que, bimana, je vais commencer peut-être à profiter des moments de la dunya. Hein, il va me faciliter des choses et l'akhir de ma femme. Mais toi, en vérité, tu veux, par cette parole-là, déjà non seulement t'élever, et deuxièmement, donc rabaisser ton frère qui le fait. C'est un peu comme on dit, s'appuyer sur l'épaule. Tu prends deux personnes qui sont là, tu t'appuies sur eux. Toi, tu montes et eux, qu'est-ce que tu fais? Tu les rabaisses. Ou bien tu dis autre chose, tu dis na'oudhu billah min qillati al-haya. Comment il voit Saïd? Stop, cache les défauts, baisse. Il dit oui, mais c'est là pas ce qui se passe. Quoi? Je cache, je veux pas le dire devant Allah parce que je veux pas avoir le péché. Tu l'as déjà dit, tu as commencé déjà par le dire. C'est comme ça que tu as allumé l'affaire, tu as allumé la mèche, tu as mis le doute. Il y a comme moi, bon. Et c'est interdit de mettre le doute parce que c'est akhzab al-hadith, comme l'a dit le prophète, c'est le pire de mensonge. Parce que, imagine, c'est vrai qu'il a fait quelque chose. Et moi, je laisse dans le doute. Le gars dans le doute. Ça se peut que lui, il va penser sur 10 fois pire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu lui laisses? Tu lui laisses 1000 imaginations. 20 000 imaginations. C'est vrai ou pas? Donc, il n'y a pas pire que ça. C'est un petit truc. Mon qui l'autre, il pense à Zina. C'est un exemple. Mon qui lui pense à voler. Mon qui lui pense à plein de choses. Alors qu'en vérité, peut-être qu'un jour, il avait besoin de lui. Il va le voir, il va demander de l'aide. Donc, c'est ce qu'il fait, il le laisse. Pourquoi? Parce que ça se peut, c'est d'argent. Normalement, d'après, il va jamais me le rendre. Parce que l'autre, il me dit, là, j'ai le doute sur lui. Et quand tu as le doute sur quoi? Sur quelque chose qui n'est pas sûr. Déjà, premièrement, c'est haram. Et deuxièmement, donc, tu vas englober tout type de péché. Comment tu vas t'en sortir après avec cela? Donc c'est pour ça que c'est le pire, le vol, le fait de quoi, d'avoir un mauvais doute sur ton frère. Parce que tu n'auras pas un mauvais doute sur un point précis. Non, c'est irrespectueux du dépôt, il est ceci et cela, mais ben, il est distrait. C'est un exemple, il est distrait. Alors moi, à cause du fait qu'il soit distrait, il est peut-être en l'air, ben, je ne lui prête pas ma voiture. Parce que je sais très bien, il est capable de brûler un feu rouge. C'est un exemple. Donc à ce moment-là, tu aurais une excuse qui serait valable, ça va. Mais comme tu as englobé tout le type de péché, c'est un exemple, ou bien de défaut, à ce moment-là, vas-y, t'es parti, quoi. Dans un océan hein, de défauts, et tu n'arrives pas à revenir derrière cela. Donc c'est un exemple. Et ça arrive souvent. Au Sturbes, des choses comme ça. Afin de même tu as voulu aller parler de ça y est, tu as ouvert la porte avec justement à Shaitan et à énormément de choses. Donc il va quoi? Yajma Shars, Yajma Beina Zem El Meskur ou en Met En Fusihim. C'est-à-dire il va rejoindre, lui, il va assembler le fait qu'il aura critiqué la personne et le fait que Zahama, lui, s'est protégé. Mais maintenant, moi, je ne fais pas ça. Si tu dis maintenant, Ordo Bilamenhu, hein, il n'est pas honnête. Donc, ça, c'est comme si toi, premièrement, tu veux dire que toi, tu es malhonnête. Donc, déjà, tu te vantes. Et deuxièmement, hein, Mathalem, deuxièmement, c'est quoi? C'est que tu l'as descendu, Mathalem, comme ça. Alors qu'il n'y avait pas de maslaha de le dire. C'est vrai qu'il est malhonnête. C'est véridique. Et là, tu viens de demander, il veut faire un commerce avec moi. Et tu connais 4, 5, 6, 7 histoires sur lui par rapport à cette malhonnêteté. À ce moment-là, tu as le droit de dire, je ne te conseille pas de commercer avec lui parce que, hein, même si tu ne donnes pas les détails, parce qu'il a plusieurs détails, je ne peux pas te donner les noms, je ne veux pas rentrer des personnes dans cette histoire, parce que justement, il y a ça, il y a ça, ça, de façon générale, comme des fous. Et là, à ce moment-là, tu peux parce qu'il y a un sous-el. On va venir à ce sujet par rapport au sous-el. Donc, on va essayer de terminer au moins les FS. Après, il y a énormément de choses. Si je trouve un cours ou une heure, je le ferai, Inch'Allah, par la suite. Et en plus, et aussi, donc, hein, donc, Mathalem, même chose, toujours la même chose. Et toi, en vérité, non, c'est toujours la même chose parce que tu veux faire. Et vous savez quoi? Les Khawarij, ils sont comme ça. Les Khawarij, ils ont ces deux sifets. Automatiquement, ils en ont trois. Ils ont le fait de vouloir abaisser les gens, donc du critiquer les meilleurs. Ils ont le fait de vouloir, donc, eux dire qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Quand tu critiques les gens parce que tu fais croire que tu es meilleur, tu fais que critiquer. Mais rien, toi, tu n'as pas de défaut. C'est pour ça que tu critiques. Tu es trop parfait. Et troisièmement, c'est bien sûr Mutakabbirin. Eux, ils ont quelque chose en plus, c'est parce qu'ils sont orgueilleux. Ils sont donc énormément orgueux. Et donc ils ont ces sifat al-Khawarij, déjà, deux parmi ces trois-là. Et sache que celui qui écoute donc le riba est associé à celui qui a fait le riba. Donc dans le riba. Celui qui écoute le riba, tu écoutes, tu es associé. Parce que normalement tu t'arrêtes. Parce que tu n'as pas rejeté le péché. Parce que tu n'as pas purifié ton frère de les péchés. Et tu n'as pas aussi donc rejeté et tu n'as pas arrêté. Tu n'as pas dit stop là, moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas. On ne retrouve pas chez Mathan, de façon générale, chez les grands Toulabelaïm ou chez la Moche, le Mashir, ce genre de choses. Parce que la personne ne va pas parler. Ils vont l'arrêter. Et là, en ce moment-là, on aura des gens qui ne vont pas laisser faire ça. Hein? Et si maintenant tu ne peux pas, tu as peur que ça fasse des histoires, maintenant, minimum c'est qu'il faut que tu es obligé à certain minimum, que tu rejettes ça de ton cœur. Ça c'est le minimum qui peut t'arriver. Si tu n'as peur, si tu as une raison d'avoir peur, ça fait des grosses histoires, je ne sais pas ce que ça t'aura amené. Tu peux, si tu ne pourras pas parler, à ce moment-là, tu vas détester ça de ton cœur. Hein? Et si tu as le moyen d'arrêter cela, tu arrêtes cela. Afin justement de t'éloigner cela. Et encore, on revoit aussi donc deux hadiths. Un qui est daif, donc le premier est daif. C'est juste toujours par rapport à un ma'na qui reste la vérité. Donc c'est من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. Donc il dit صلى الله عليه وسلم, c'est un hadith daif. Donc celui dont on mentionne en avilissant un croyant, alors qu'il est capable d'arrêter cela, donc il est capable de faire triompher donc de, hein, d'arrêter cela et de faire triompher son frère, Allah va l'avilir, c'est-à-dire devant tout le monde, devant le frère. Toujours, on regarde qu'on a dit que c'est un hadith qui est daif. Mais là, c'est un hadith qui est authentique. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man hama mu'minan min munafiq, yani ya'ibuhu, ba'atha Allah malakan yahmi lahmahu yawm al-qiyamati min nar al-jahannam. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Abu Daoud, et il est authentique. Donc celui qui protège le croyant d'un munafiq, d'un hypocrite qui le critique, là, hadith ici, il mentionne un hypocrite, mais en réalité, donc, parce que normalement, c'est l'hypocrite qui critique son frère. C'est l'hypocrite qui aime, donc, justement, faire le mal. Donc, ça veut dire que quand tu fais le mal sur ton frère, en plus, tu ressembles à un hypocrite. Donc, là, il y a un lard. Ici, il y a le lard qui est hypocrite, mais en vérité, le hukm revient pour tout le monde qui font ce geste, qui vont en vérité être comme cela. Donc, Allah lui envoie un ange qui va protéger sa, donc, sa viande le jour dernier du feu de la géhenne. Du feu de, hein, du feu de l'enfer. Donc il va être protégé par un mec. Parce qu'il a protégé son frère. Il n'a pas laissé la personne parler. Il n'a pas laissé la personne parler. Et aussi, donc, là, après, on a terminé par rapport à et au Afet. On a parlé, machallah, 1h30. Et on va continuer, on va prendre justement par la suite, inshallah, comment se protéger de ça. Donc comment justement, comment se guérir, hein, de ça. Et aussi, qu'est-ce qui est permis de faire lorsque on est dans cela. Et après, il y a aussi un chapitre qui rentre aussi dans le Némima. Mais là, on va juste le faire succinctement. Bidina Azawajan. Barakallahu fikum, subhanallah wa bihamdika. Ashhadu anna ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.